c'est toujours plus difficile que les autres. Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Dis-moi, pourquoi ma vie serait-elle si différente des autres? Dis-moi, est-ce que c'est notre faute à nous? Dis-moi, pourquoi ma mère me disait d'être plus fort que les autres? Dis-moi, et d'être solidaire entre nous. Dis-moi, donne-moi la force de pouvoir changer un peu les choses. Dis-moi, que ceux d'avant soient fiers de nous. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Oh, si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Si je te dis qu'un détail peut changer l'avenir des mots, dis-moi, est-ce que tu changerais ça pour nous? Dis-moi, si la justice dont tu parles est faite pour les droits de l'homme, dis-moi, dis-moi ce que ça fait de nous. Dis-moi, si je rends les coups par les coups sans discerner le vrai du faux, dis-moi, est-ce que tu te sentirais comme nous? Dis-moi, j'apprends encore tous les jours, mais j'aimerais changer les choses. Dis-moi, que ceux d'avant soient fiers de nous. Hey, tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Oh, si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on veut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau. Tu m'aimeras comme ça, avec ma couleur de peau. Je mènerai bataille pour ceux qui viennent après nous. Oh, si Dieu m'accompagne, pour leur montrer ce que l'on vaut. Quelque chose en nous, quelque chose en nous, quelque chose de nouveau.